L'association d'amitié Bulgarie-Corée a fait paraître son bulletin d'avril, présentant la vie révolutionnaire sacrée du président Kim Il-sung, qui a accompli des exploits inoubliables dans l'époque et l'histoire.